un pays très à la page, où l'on a tous les 4 ans le droit de voter, puisqu'enfin voici venir l'heure du suffrage. Ce n'est plus le moment d'hésiter. Aux urnes, citoyens, votez et votez bien. Notre candidat, je vous le dis en somme, c'est un homme un peu lourd. Allons, n'hésitez plus, si c'est lui qui est élu. Ce jour-là, sachez-le bien, nous aurons tout ou rien aux urnes, citoyens. Si jamais il est nommé, oh quelle aubaine, vous verrez, tout ira mieux certainement. Au lieu de payer des impôts l'année prochaine, Percepteur vous donnera de l'argent. Aux urnes, citoyens, votez et votez bien. Notre candidat, je vous le dis en somme, c'est un homme un peu lourd. Allons, n'hésitez plus, si c'est lui qui est élu. Ce jour-là, sachez-le bien, nous aurons tout pour rien aux urnes, citoyens. Quand les femmes auront le droit d'être électrices, ah messieurs, le jour où elles iront voter, pour les hommes, ça fera toujours, ah quelle délice, une bonne journée de tranquillité. Aux urnes, citoyens, votez et votez bien. Notre candidat, je vous le dis en somme, c'est un homme un peu lourd. Allons, n'hésitez plus, si c'est lui qui est élu. Ce jour-là, sachez-le bien, nous aurons tout ou rien aux urnes, citoyens. Sachez-le bien, nous aurons tout pour rien.